بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue le cours de Al-Usul al-Thalatha avec les commentaires de Cheikh Ubayd al-Jabir حفظه الله تعالى, dans le cours numéro 30 aujourd'hui. Et on est arrivé à al-asl al-thani, yani, et al-asl al-thani c'est ma'rifatuddin al-islam bil-adilla, ma'rifatuddin al-islam bil-adilla. Et on est arrivé à l'explication, on a expliqué les arcanes al-iman, arcan al-iman. On a expliqué arcan al-iman, ou bien on est arrivé à arcan al-iman, parce qu'on a fini arcan al-islam. أركان الإسلام خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Donc ça c'est الأركان الستة, الأركان الخمسة للإسلام. Maintenant il va parler de الإيمان, المرتبة الثانية, parce qu'il a expliqué que الدين ثلاث مراتب, la religion elle est divisée en trois degrés. Le premier degré, c'est Martabat al-Islam. Martabat al-Islam, le degré de l'islam, c'est le premier degré. Et il y a cinq piliers. Le deuxième degré, c'est Al-Iman. Et il y a six piliers. Et le dernier, le troisième degré, Al-Martabat al-Thalitha, c'est Al-Ihsan. Hein? C'est l'excellence, le perfectionnement de l'adoration. C'est la bienveillance. Et il y a deux piliers, et on va les expliquer par la suite. Là on va commencer avec le deuxième degré de la religion, qui est martabatul iman, le degré de la foi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: al-martabatu thaniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah fa'a'laha qawlu la ilaha illallah وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: وكل شيء خلقناه بقدر. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit que le deuxième degré de la foi, c'est le deuxième degré de la religion, c'est la foi, l'iman. Et c'est composé de 70 et quelques branches. 70 et quelques branches. La plus haute, c'est la parole de la ilaha illallah. C'est la plus haute des branches de la foi. Et la plus basse, c'est de retirer quelque chose qui nuit dans le chemin, ou qui nuit aux gens sur un chemin ou sur la route. Donc ça fait partie de la foi aussi, c'est la plus basse branche, et la pudeur, la timidité fait partie de la foi. C'est une des branches de la foi. Puis il explique ensuite que la foi, l'iman, elle a six piliers. Six piliers. Et il les énumère: de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestination de ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et la preuve de ces six piliers, c'est dans la parole d'Allah dans le verset 177 dans Sourate Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que la bonté ne consiste pas à tourner notre visage vers l'est ou vers l'ouest, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah et au jour dernier, et en les anges, et aux livres, et aux prophètes. Donc ça c'est les cinq piliers qui sont mentionnés dans ce verset. An tu'mina billah wal yawm al-akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin. Donc ça fait 5. Et dans un autre verset, le verset 49 dans sourate Al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne Al-Qadar. Le verset 49 dans sourate Al-Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire nous avons créé toute chose par une juste mesure. Donc toute chose a été prédestinée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il explique ensuite, le Cheikh Ubaid, il explique maintenant ce passage-là. Donc il dit al-iman lughatan huwa at-tasdiq wa istilahan qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Donc les ulama de Ahlus Sunnah, ils expliquent souvent quand ils parlent de la foi, al-iman, que dans la langue arabe, le mot iman, ça signifie at-tasdiq. At-tasdiq, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu crois en quelque chose. Quand tu crois en quelque chose, ou quand tu reconnais que quelque chose est vrai. Hein? Tu dis, ana usaddiqu bihada. Usaddiqu bikada. C'est-à-dire, je crois, en la véracité de telle chose ou de telle chose. Ça, c'est dans la langue. Mais dans la définition religieuse du mot iman, les ulama d'Ahlus Sunnah, ils expliquent al-iman par cinq phrases, ou cinq choses, cinq éléments. Premièrement, ils disent que c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps, qui augmente avec les bonnes œuvres et qui diminue avec les péchés. C'est ça la foi. Ok, je le répète. La foi, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps qui augmente avec les bonnes œuvres ou avec l'obéissance et qui diminue avec les péchés ou la désobéissance. Je répète encore une fois, une parole de la langue, qawlun bil lisan, une croyance du cœur, i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Une action du corps, il augmente avec l'obéissance, il diminue avec les péchés. Il y a d'autres ulama qui le disent la même chose, mais avec d'autres mots. Ils disent par exemple, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Yazidu bi, comment ils disent, yazidu bi, hein, نعم يزيد بالطعم ولكن هم يعني يستعملون كلمة في نفس ال يعني نفس السجع يعني comme si ça rime, j'ai oublié le mot pour ينقص بالعصيان ويزيد ب, j'ai oublié le mot, mais c'est juste pour dire c'est la même signification, mais c'est juste que des mots qui riment, hein. قول باللسان واعتقاد بالجنان, الجنان c'est le cœur, وعمل بالأركان, الأركان en voulant dire les membres, le corps, يزيد بال, oui c'est ça, يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. On peut dire ça comme ça et c'est la même signification de toute façon. Et le cheikh il dit هذا التعريف هو الراجح من بين عدة التعريفات تختصرها ودلالة رجحان هذا التعريف قد جاءت في الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووجه الدلالة من الآية في ذكر الجهاد ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية وهو عمل, ومن السنة ما رواه الشيخان عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس والناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس فإن فقال إن عبد إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك بشقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم وأن تؤدوا خمسا من المغنم الحديث فالشاهد منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة السلام. قال الشيخ هو بضع وستون شعبة. Donc ici le cheikh il explique, il dit que la preuve que cette définition de la foi, cette définition de la foi c'est la bonne définition parmi les définitions qui ont été rapportées au sujet de ce qui a été dit au sujet de la foi, c'est cette définition là qu'on a donnée avec les cinq points. C'est ça la vraie définition de la foi. Et il dit que la preuve que cette définition-là est la vraie définition de la foi, c'est qu'elle est supportée par qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna, du fait que les actions font partie de la foi. Parce qu'il y en a parmi les groupes de bid'a, comme les Murji'a par exemple, qui considèrent que la foi c'est seulement ce qui est dans le cœur et que les actions ne font pas partie de la foi. Donc selon eux, quelqu'un peut être un bon croyant même s'il ne pratique pas la religion, même s'il contredit la religion, même s'il ne fait pas ce qui est obligatoire, même s'il fait ce qui est haram, il pense que ça n'a aucun effet sur la foi et que la foi de tout le monde est la même. Donc si par exemple tu dis à quelqu'un qui fait un péché, ya akhi, ça c'est haram, il ne faut pas faire ça, taqillah, il dit al-iman fil qalb, al-iman fil qalb, yani, c'est pas grave si je fais des péchés, la foi c'est dans le cœur. Ça c'est pas correct. La foi c'est dans le cœur, oui, la base de la foi est dans le cœur, mais en même temps aussi les actions que tu fais ça affecte ta foi, ça fait augmenter ou diminuer ta foi. Donc tu peux pas prétendre que les actions n'ont pas un lien avec la foi ou que les actions ne sont pas une partie intégrante de la foi, parce que les actions font partie de la foi, hein? Les actions entrent dans la foi. Et le cheikh il mentionne comme preuve à ce sujet-là la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 15 dans sourate Al-Hujurat. Il y a beaucoup d'autres preuves, mais le cheikh il a cité celui-là. Moi j'aime bien le verset dans sourate Al-Anfal, parce que dans sourate Al-Anfal il y a un exemple qui est clair aussi au début dans les premiers versets. Je vais lire le verset que le cheikh a cité, puis après je vais vous lire quand même en même temps le verset de sourate Al-Anfal. Donc le cheikh il dit, parmi les preuves dans le Coran, le verset 15 dans sourate Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont pas douté et qui ont lutté dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut établir par ce verset là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le djihad comme faisant partie des caractéristiques des croyants. Et en disant que ça fait partie des caractéristiques de ceux qui ont cru. Donc ça fait partie de la foi. Et c'est une action du corps. Donc c'est la preuve que le djihad fait partie de la foi. Donc les actions du corps font partie de la foi. Et le verset que je vous disais dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc dans ces versets, on voit qu'il y a les différents éléments de ce qui compose la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Donc versets 2 et 3 dans Sourate Al-Anfal. Donc les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'on mentionne Allah, donc leur, les actions du cœur, hein. Et quand ces versets sont récités, cela fait augmenter leur foi, hein. Donc la preuve que la foi elle augmente, hein, avec les bonnes œuvres. Et ils placent leur confiance en Allah, at-tawakkul. Ça c'est une ibad, ça fait partie des actions du cœur aussi, hein? Donc ça fait partie de la foi. Et ceux qui accomplissent la salat c'est une action du corps, hein? C'est un acte du corps et c'est un acte de la langue aussi, parce que dans la salat tu récites le Coran et il y a des actions du cœur aussi dans la salat aussi. Et il dit ensuite et qui dépensent dans le sentier d'Allah, et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Et il y a aussi le verset suivant. Donc le fait de dépenser dans le sentier d'Allah de ce qu'on nous a attribué, c'est-à-dire de donner sadaqa, de payer la zakat, ça, ou bien d'aider les pauvres et des choses de ce genre, ça aussi ça fait partie des actions du corps et ça fait partie de la foi. Et après il dit ceux-là sont en toute vérité les croyants. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Donc c'est eux les vrais croyants. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Ils auront des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Et un pardon ainsi qu'une subsistance généreuse. Donc dans ces versets, il y a la preuve que la foi est composée des paroles, est composé des actions et est composé de ce qui est également de la croyance du cœur, hein, et ainsi de suite. Donc ça c'est tout ça c'est des exemples qui viennent prouver ce point là et également le cheikh il a cité des preuves de la sunna. Donc il y a beaucoup de preuves aussi dans la sunna à ce sujet là mais le cheikh il a uniquement mentionné un hadith, et c'est le hadith de Wafd Abdul Qais. Wafd Abdul Qais, c'est un hadith qui est très connu, qui est rapporté par Al-Bukhari et qui est rapporté aussi par l'imam Muslim. Dans ce hadith, Abdullah, c'est rapporté par, selon Abi. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslihu barakum. Donc c'est rapporté selon Abi Jamra, il dit j'étais traducteur entre Ibn Abbas et les gens, et il y a des gens qui sont venus lui poser des questions à propos de une sorte de cidre, hein? Nabizul Jar. Al Jar c'est un fruit probablement, je ne sais pas c'est quel fruit, donc Allahu A'lam, mais un nabiz c'est connu, c'est une boisson fermentée, faite à partir de fruits ou à partir de ça peut être de beaucoup de choses. Nabiz ou tamar, nabiz ou il y a beaucoup de choses. C'est qu'est-ce qu'on appelle le cidre, ok? Et on peut faire avec du cidre une boisson fermentée, ça devient de l'alcool, hein? Donc il y a une femme qui est venue demander à Abdullah ibn Abbas à propos de ce genre de boisson fermentée. Nabizul Jar. Alors qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Abbas? Il a mentionné le hadith de Abdul Qais lorsqu'ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans le hadith de Abdul Qais, de Wafd Abdul Qais, c'est-à-dire la délégation de Abdul Qais qui sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention de l'interdiction de an-nabith, l'interdiction de l'alcool et des boissons fermentées et du cidre, de ces choses-là. Donc Abdullah ibn Abbas, il a cité ce hadith-là comme preuve pour leur indiquer que c'était interdit. Et il dit que il y a la délégation de Abdul Qais qui sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il recevait souvent des délégations, des gens qui venaient le voir de différentes tribus des Arabes, d'accord. Et ici il dit, lorsqu'ils sont arrivés voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé: qui est cette délégation? Qui sont ces gens? Hein, il leur a demandé: qui êtes-vous? Et ils ont dit: nous sommes de Rabi'a. Rabi'a, c'est une tribu parmi les tribus arabes. Hein, nous sommes une tribu de Rabi'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: marhaban bil qawm, ou bien marhaban bil wafd. Al wafd, c'est la délégation. Donc il dit: bienvenue. Hein? Ghair khazaya wala nadama. Yani sans tromperie ni remords, ni regret. Et il a dit, ils ont dit: ô messager d'Allah, nous venons d'un endroit loin, hein, éloigné. Et entre nous, hein, entre vous et nous, il y a une région des koufars de la tribu de Mudar. Donc c'est comme si eux, ils vivent dans une région, puis entre Médine et eux, il y a une tribu qui habite là, c'est la tribu de Mudar, et eux à cette époque-là, ils n'étaient pas musulmans. Étant donné qu'ils sont obligés de passer par Mudar pour venir voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: on ne peut pas venir, excepté dans Ash-Shahr al-Haram, dans les mois sacrés, parce que dans les mois sacrés, ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Donc, ils peuvent passer pendant ces mois-là, ces quatre mois sacrés. Mais en dehors de ces quatre mois, ils ne peuvent pas venir. Alors, ils ont dit: ordonne-nous quelque chose qui est clair, que nous pourrons transmettre et informer ceux qui sont derrière nous, et par lesquels on pourra rentrer au paradis. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné quatre choses et leur a interdit quatre choses. Il leur a ordonné la foi en Allah, lui seul, et il leur a dit: est-ce que vous savez en quoi consiste la foi en Allah? Ils ont dit: Allah et son messager savent mieux. Il a dit: c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et d'établir la salat, et de donner la zakat, et de jeûner le mois de Ramadan, et de donner un cinquième du butin. Donc c'est la partie du hadith que le cheikh a mentionné, et c'est pour montrer que dans ce hadith là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué al-iman en mentionnant les piliers de l'islam. Hein? C'est pour dire qu'en réalité, les piliers de la foi, de l'islam font partie de la foi aussi. D'accord? Donc c'est pas seulement c'est pas seulement les piliers de l'islam, c'est les piliers aussi de la foi. En voulant dire que les actions font également partie de la foi. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il mentionne, il dit: fashahidu minhu tafsir an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-iman bi'a'mal al-islam adh-dhahira. Donc ça veut dire que les actions apparentes de l'islam rentrent dans la définition de la foi aussi. D'accord? Et ça, c'est ce qui supporte l'explication ou la définition des ulama d'Ahl-Sunnah lorsqu'ils disent que la foi, hein, comprend les actions également. Il dit: وَقَالَ الشَّيْخُ وَهُوَ بِدْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبًا أَوْ بِدْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبًا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا القول جاء في حديث صحيح متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله. الحقيقة ننظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بأعلى الإيمان أم بأدنى الإيمان؟ بأعلى الإيمان، وذلكم أنه على سبيل المثال في حديث بعث معاذ إلى اليمن، قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique la foi en disant que c'est composé de 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches, la plus haute étant le témoignage de la ilaha illallah et la plus basse étant d'enlever quelque chose qui nuit sur la route. Et il a mentionné que la foi, que al-haya ça veut dire la pudeur ou la timidité, c'est une des branches de la foi. Donc al-haya shu'batun min al-iman. Et vous savez que al-haya c'est une ibada, hein, c'est une ibada, c'est une adoration, et c'est quelque chose qui est dans le cœur. Al-haya à la base c'est dans le cœur, hein, la pudeur et la timidité, ça fait partie des qualités de la foi. Et il dit que cette parole elle est mentionnée dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi est composée de 60 et quelques branches, ou de 70 et quelques branches, parce qu'en arabe bid'un ça veut dire, hein, un certain nombre, je crois c'est de je ne me rappelle plus, de 3 à 9 ou quelque chose comme ça, il y en a entre 3 et 9, un nombre quelconque, ça veut dire 70 et quelques. On ne sait pas exactement quel nombre, mais 70 et quelques, 60 et quelques ou 70 et quelques, c'est dans les deux narrations, il y a les deux chiffres mentionnés. Et il dit la plus haute de ces branches, hein, comme il compare en fait la foi à un arbre. Hein. L'arbre, il y a les racines, il y a le tronc, et il y a les branches. Puis il y a les feuilles et il y a les fruits. Hein, ça, c'est un arbre. Et il a comparé la foi à un arbre. Dans cet arbre, il y a des branches. Et chacune de ces branches est une des branches de la foi. La plus haute des branches de la foi, c'est la ilaha illallah. La plus basse, hein, c'est de retirer quelque chose qui nuit sur le chemin. Ça prouve. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça prouve quoi? Ça prouve que les paroles font partie de la foi, et ça prouve aussi que les actions font partie de la foi, puisque la parole de la ilaha illallah c'est une parole, et le fait d'enlever quelque chose qui est sur le chemin, tu vois par exemple une roche ou quelque chose, une branche ou quelque chose qui dérange sur le chemin, des déchets, tu le prends puis tu le retires pour que ça ne dérange pas les gens. Ça fait partie de la foi, et c'est une action, hein, c'est une action. Donc les actions, ça prouve encore que ça prouve que les actions font partie de la foi aussi. Et al-haya shu'batun min al-iman, al-haya c'est une action du cœur, et ça c'est une des branches de la foi aussi. Et quand il dit que la plus haute des branches est la ilaha illallah, hein, il dit en réalité, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par la plus haute ou par la plus basse. Il commence par la plus haute. Et on voit l'exemple de ça dans le hadith de Mu'adh. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, hein, il a dit à Mu'adh: je t'envoie vers des gens du livre, des chrétiens ou des juifs. Il dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, rapporté par Al-Bukhari, et c'est un hadith d'Abdullah ibn Abbas, selon Abdullah ibn Abbas. Il dit ensuite: ثم استدل الشيخ رحمه الله على أركان الإيمان الستة بآيتين أحدهما حوت خمسة أركان وهي الآية الأولى فالأركان الخمسة هي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين يعني كما في الآية وهذه الآية حوت أركانا خمسة من أركان الإيمان الستة وبدأت الإيمان بالله لأنه الأصل ثم تبع ذلك الإيمان باليوم الآخر لأنه هو وقت الحساب والجزاء فالاستعداد له واجب ثم ثلث سبحانه وتعالى بالملائكة وقد تقدم تعريفهم وماذا أيضا الكتاب لأن الكتب هي طرق الهداية وختم بالرسل لأن الرسل يبلغون عن الله ما أنزله على خلقه من الوحي. Donc ça c'est le premier verset. Le cheikh il explique que le cheikh il a cité un verset. Dans ce verset il y a ou bien plutôt il a mentionné deux versets. Le premier verset, dans le premier il y a cinq piliers de la foi. Il y a les cinq premiers piliers de la foi qui sont mentionnés. Et ces cinq piliers, c'est la foi en Allah, au jour dernier, en les anges, en les livres et en les prophètes. Et il dit donc que ces cinq premiers piliers sont mentionnés dans cinq parmi les six piliers qui sont mentionnés dans ce premier verset, en commençant par la foi en Allah parce que c'est la base, puis la foi en le jour dernier parce que c'est le moment du jugement et de la rétribution, et le fait de se préparer pour cela, c'est une obligation. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Et il a mentionné comme troisième chose la foi en les anges, et après le livre, la foi en les livres, parce que c'est la voie de la guidance. Puis ensuite, il a clôturé cela par la foi en les messagers et les prophètes. Parce que les messagers sont ceux qui transmettent le message que Allah a envoyé par la révélation pour ses créatures. Et dans le deuxième verset, le cheikh dit: الآيات الثانية تضمنت الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره كل شيء خلقنا كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر والقدر لغة والقدر في اللغة من التقدير يقال قدرت الشيء إذا أحط بمقداره واستلاحا هو تقدير الله للأشياء قبل حدوثها تقديرا يوافق عمله وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا وله أربع مراتب أولا العلم أي علم الله بما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف يكون ثانيا الكتابة حيث أمر القلم بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام الساعة ثالثا المشيئة فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ورابعا الخلق وهذا التقسيم يسميه أهل العلم القدر العام أو القدر الإجمالي. Donc le cheikh il dit que dans le deuxième verset il mentionne le sixième pilier de la foi. Le sixième pilier de la foi c'est al-qadar, la prédestination, ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il mentionne comme preuve à ce sujet le verset dans Surat Al-Qamar, le verset qui dit Kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Certes, nous avons créé toute chose dans une juste mesure. Et Al-Qadar en arabe, dans la langue, la signification linguistique, c'est la mesure. On dit J'ai qaddartu shay'in, dans le sens que j'ai pris sa mesure, hein. Et j'ai pris sa mesure, et dans le sens religieux, dans le sens de la définition des ulama, at-taqdir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné des choses avant leur création, hein? Et qu'est-ce qu'il a déterminé selon sa connaissance et selon ce qu'il a écrit dans la dans la quantité, dans la description, dans le temps et dans le lieu. Donc tout ce qui se produit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prédestiné et il le sait, hein, il l'a su éternellement et il l'a écrit. Et il dit kamman, kam c'est la quantité, wa kayfan c'est comment, combien la quantité, comment, wa zamanan c'est le temps, le moment, et makanan c'est le lieu. Donc tout ça a été prédestiné. Puis il mentionne les quatre degrés de la foi en le qadar. Les ulama, ils clarifient que pour que quelqu'un ait une foi en le qadar qui est valable et qui est correcte, il faut avoir cru en ces cinq degrés dans le qadar. Les quatre degrés dans le qadar. Donc, on peut les résumer comme de la façon suivante, si on veut le dire rapidement. Al-ilm, wal-kitab, wal-mashi'a, wal-khalq. Al-ilm, c'est la science. Al-kitab, c'est l'écriture. Al-mashi'a, c'est la volonté. Wal-khalq, la création. C'est ça les quatre degrés de la foi à la prédestination. Et pour croire correctement au qadar, il faut croire en ces quatre degrés. Al-ilm, wal-kitab, wal-mashi'a, wal-khalq. C'est-à-dire la science, l'écriture, le fait que tout a été écrit, la volonté et la création. Maintenant, on va les expliquer en résumé, chacun d'entre eux, qu'est-ce que ça signifie. Premièrement, al-ilm. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de tout ce qui est dans le passé, de ce qui est dans le présent et de ce qui n'est pas encore dans l'avenir. Et de ce qui n'est pas arrivé du tout, ce qui s'est pas produit. Si ça s'était produit, comment ça se serait produit? C'est-à-dire même ce qui n'existe pas, si ça existait, comment il existerait? Tout ça, Allah il le sait. C'est dans la connaissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire même les possibilités de différentes réalité, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît parfaitement. Il connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a eu dans le passé. Il connaît ce qu'il y a dans le présent. Et il sait tout ce qu'il va y avoir dans l'avenir. Et qu'est-ce qui ne s'est pas produit? Si ça s'était produit, comment cela se serait produit? Il le sait. Il sait tout ça. Éternellement. Et le deuxième degré de la foi en la prédestination, c'est Al-Kitab. Et souvent, les gens, quand ils parlent de Al-Qadar, ils se réfèrent à cet aspect, à ce degré de la foi en Al-Qadar. Al-Kitab, il le dit souvent, Al-Maktoub. Hein? Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, ou quand il y a un sujet, tu demandes, ils disent, Hada Al-Maktoub. Hein? Hada Al-Maktoub. Al-Maktoub. Ça, c'est un des degrés parmi les degrés de Al-Qadar. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, il a créé la plume et il a ordonné à la plume 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre d'écrire tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Selon sa connaissance. Alors, tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps est déjà écrit. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf ». La plume a été soulevée et l'encre a séché. Donc le qadar, il est écrit, tout ce qui va se produire, tout ce qui va se produire a été écrit dans al-lawh al-mahfouz, la table préservée. Tout a été écrit, la destinée de l'univers et de toutes les créatures est écrite avant même la création. D'accord? Et c'est ce que les gens appellent al-maktoub. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dans sourate al-Hadid, ma asabakum min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. C'est-à-dire, il n'y a pas un malheur qui vous touche dans vos personnes ou sur la terre, excepté que cela est dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Min qabli an nabra'aha. Yani min qabli an nakhluqaha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Cela est facile pour Allah. Likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Pour que vous soyez pas triste de ce qui vous a échappé et que vous ne vous réjouissiez pas trop de ce que vous avez reçu. Hein? Donc, tout ça c'est pour dire que tout ce qui se produit, Allah l'a écrit. Il n'y a rien qui arrive sans que Allah l'ait su et sans que Allah l'ait écrit. Mais ce n'est pas suffisant encore pour avoir cru correctement en Al-Qadar. Il faut rajouter les deux autres degrés. Le troisième degré, c'est Al-Mashi'a. Ça, c'est un degré très important aussi. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers, tout ce qui se produit parmi les créatures et dans le monde, c'est uniquement produit par la permission d'Allah et par sa volonté. Ce que Allah veut est, ce que Allah ne veut pas n'est pas. Rien ne peut être excepté si Allah le veut. Et si quelque chose, Allah ne veut pas qu'il existe, ne veut pas qu'il soit, il n'est pas. Rien ne peut aller contraire à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un aspect aussi qui fait partie de la volonté d'Allah. C'est pour ça que, les croyants, nous, on croit que tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, on dit ça c'est la volonté d'Allah. Hein? Donc tout ce qui se produit dans la création, et les ulama, c'est pour ça qu'à ce moment, dans ces questions-là, les ulama, ils distinguent dans différentes questions, on va y revenir dans cette question-là, on va y revenir, mais tout ce qui se produit. Et quelqu'un pourrait dire, oui, mais est-ce que ça veut dire que même les choses mauvaises, Allah il l'a voulu? Oui, Allah il l'a voulu. Tout ce qui se passe, Allah l'a voulu. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas dans qu'est-ce qu'il a prédestiné quelque chose qui est un mal pur. Parce que même les choses que Allah a prédestinées qui peuvent nous sembler mauvaises ou mal, Allah les a uniquement prédestinés dans un objectif et dans un but qui est bon. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un plan pour la création. Et donc, parfois, il permet à des choses de se produire, même si ces choses-là, il ne les aime pas, et même si ces choses-là, il les a interdites, mais il permet à ces choses de se produire dans le but de mettre les hommes à l'épreuve et de les tester. Hein? Et donc il a créé Iblis et il a voulu que Iblis existe, il a voulu que le kufr existe, il a voulu que le shirk existe, il a voulu que les péchés existent. Hein? Mais est-ce qu'il aime ces choses-là? Non. Et est-ce qu'il n'y a pas une sagesse dans le fait que ces choses-là existent? Oui, il y a une sagesse. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, il les a voulu ces choses-là uniquement pour quelque chose de bon et un objectif et un but qui est noble et qui est bien et qui est bon à la fin. Donc, même dans le mal que Allah a créé, il y a un bien dedans. Hein? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à Allah. Mais bien entendu, yani, qu'est-ce que Allah nous a, qu'est-ce que Allah a créé, on peut pas le, si c'est mauvais et si Allah l'a interdit, il nous a révélé dans la révélation que c'est haram de le faire ou que c'est quelque chose qui est interdit, on n'a pas le droit d'utiliser le qadar pour justifier le fait de le faire, hein. Comme par exemple, quelqu'un va dire, oh, mais l'alcool, c'est Dieu qui l'a créé, donc ça veut dire, je vais le boire parce que c'est la création d'Allah. Ou bien le porc, c'est créé par Allah, donc tout ce que Allah a créé est bon, donc je vais manger du porc. Non. Allah, il a créé pour tester les hommes. Si toi, tu le manges, tu désobéis à son ordre. Allah l'a interdit dans le livre. Il a envoyé les messagers, il a mentionné que c'est interdit. Donc si tu le fais, tu contredis la volonté d'Allah dans sa révélation. Donc tu dans ce cas-là, tu fais pas ce que Allah, hein, aime. Donc dans ce cas-là, tu es sous la menace du châtiment. Hein? Tandis que si tu t'en abstiens, tu es dans l'obéissance d'Allah et Allah va te récompenser pour ça. Hein? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et aussi, rabi'an, quatrièmement, al-khalq. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé. Même les choses que toi-même tu as créées ou que toi-même tu as fabriquées, c'est Allah qui l'a créé. Et les êtres humains, ils créent des choses ou ils fabriquent des choses, mais ils ne créent pas à partir de rien. Par exemple, un être humain, par exemple, il a créé cette bouteille, ou il a créé ce marqueur, ou ce crayon, ou ce micro. Mais est-ce qu'il l'a créé à partir de rien? Est-ce qu'il a fait apparaître la matière du néant comme ça? Non. Il a pris la matière qui existe déjà et il l'a transformée et il lui a donné une forme et il l'a utilisée dans un certain but. Hein? Donc ça, c'est... on dit créer, mais en réalité, c'est pas créer comme à partir de rien. Le seul qui peut créer à partir de rien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Juste par la volonté, le fait de dire « soit » et « c'est ». Ça, c'est Allah seulement qui peut faire ça. Hein? Toutes les créatures ne peuvent pas créer à partir de rien. Ils peuvent inventer des choses à partir de ce qui existe déjà. À partir de ce que Allah a créé, ils peuvent inventer des choses, transformer les choses existantes pour en faire d'autres nouvelles choses. Oui. Hein? Mais c'est limité. C'est pas comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit que tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé aussi nos actions. Hein? Il a créé nos actions. Et quand on dit que Allah a créé nos actions, ça veut dire, comme par exemple, que même les péchés qu'on fait et les actions qu'on fait, c'est Allah qui les a créés. Il a créé les actes, l'acte de manger, l'acte de dormir. Hein? Et les péchés que les hommes font, c'est Allah qui l'a créé. Mais est-ce que c'est lui qui le fait? Non. Il y a une différence entre créer l'action et faire l'action. Hein? La différence entre les deux, c'est quoi? Si on dit oui, Allah il a créé l'acte de manger, mais est-ce qu'Allah il mange? Non, il mange pas. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. C'est lui qui nourrit, mais lui il n'est pas nourri. Hein? Donc, il a créé l'action de manger chez les créatures, mais lui-même, il ne mange pas. Et donc, c'est la même chose pour les autres exemples. Le cheikh, il dit ensuite, وَهَذَا التَّقْسِمْ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ الْقَدَرُ الْعَامِ أَوْ الْقَدَرُ الْإِجْمَالِ وَهَلْ ثَمَّةَ مَرَاتِبَ تَفْصِيلِيَ لِلْقَدَرِ وَمَا هِيَ. Yani, le cheikh, il va expliquer maintenant d'autres degrés et d'autres divisions du qadar. Mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va expliquer la suite de ces règles qui sont reliées au qadar dans le prochain cours, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inshallah, après, on va commencer.